Défi Sport sur Fadjet. Ici, on parle uniquement de sport féminin. Bonjour, bienvenue à tous dans Défi Sport, l'émission qui donne la parole aux filles qui font du sport. Aujourd'hui, comme d'habitude pour cette saison, on est avec Julie et aujourd'hui, on va parler marathon avec Amina et une seconde Julie. Allez, c'est parti! Bonjour Julie, bonjour Amina et bonjour Julie, hein, puisque bonjour. Aujourd'hui bonjour. On a le droit à Julie au carré. On est là pour parler sport féminin et plus spécifiquement de marathon, puisque sur les quatre de l'Assemblée, on va dire, on va être trois. Hein, sur le, voilà, moi je serai à part, mais on a quasiment toutes fait un marathon et Julie, ça va bientôt venir. On espère, peut-être voilà. Un jour. Donc déjà, pas bonjour. Bonjour Julie, bonjour Amina. Bonjour. Bonjour Julie. Bonjour. On va commencer par les présentations. Donc je commence par, alors pas la Julie que vous connaissez de Julie Recette, l'autre Julie, Julie Siradzan. Je te laisse te présenter. Donc toi, t'es là aujourd'hui parce que il y a moins de deux semaines, du coup t'étais au marathon de Valence. Valence en Espagne, je précise. Ouais, c'est ça. Donc ben vas-y, tu peux nous dire ton chrono déjà pour commencer. J'ai fait 3h07.43. Voilà, 3h07.43, très bon chrono très déjà. Très précisément. C'était ton premier marathon ? Non, c'était mon troisième marathon. Le troisième ? Ouais. Jamais 203 ? C'est ça. Il y a une petite amélioration au niveau chrono ? Oui, clairement. Clairement ? T'es passé de ? Alors, le premier marathon, je l'ai fait, bah, je savais même pas si j'allais finir, en fait, j'ai fait en 4h06. Ouais. Parce que j'ai été blessée un mois avant et j'ai réussi à recourir une semaine avant, donc clairement, l'objectif, c'était juste le finir. Le deuxième, c'était l'année dernière à Paris, j'ai fait 3h32. Hum ? Et du coup, 3h07 cette année. Ah oui, donc il y a un sacré gap. Enfin, il ouais. Y a une demi-heure à chaque fois, tu gagnes une demi-heure à chaque fois. Le prochain, c'est pas possible d'aller chercher une demi-heure sur le prochain, mais ouais. Donc le premier 4h, c'était un défi. Enfin, c'était juste pour terminer, c'était un défi. C'était, ça fait combien de temps que tu cours ? Bah, en fait, j'ai eu une grosse pause quand même, parce que j'ai pas mal couru quand j'étais plus jeune, enfin en collège, lycée. Alors plus jeune, déjà, t'as quel âge ? J'ai 31 ans. Je réfléchis. J'ai 31 ans et j'ai beaucoup couru bah, collège, lycée. Après, c'est vrai que sur mes premières années de travail, j'ai un peu coupé, parce que j'ai pas mal bougé entre Paris, etc. Donc, j'avais plus trop l'occasion de courir. Et là, du coup, le premier marathon, ouais, je reprenais la course. C'était vraiment un défi, quoi. Donc, t'es tout de suite montée sur la distance marathon. T'as pas fait de 10, enfin plus court, des courses plus courtes. Non, j'avais fait un semi avant. Un an avant, je crois, mais pareil, rien de dingue, quoi. Enfin, je courais plus énormément, mais voilà, c'était juste. Pour se remettre dans le bain, quoi. Ouais, c'est ça. Mais on se remet dans le bain sur un marathon. Bah écoute. Enfin, je te jette pas la pierre, hein, j'ai fait la même, hein, mais. Ouais, bah ouais, c'était un beau défi et. Ouais, j'avais fait le semi de Nancy, je sais plus, l'année d'avant. Ouais. Et je m'étais dit, allez, faut que je teste le marathon. Et plus jeune, t'étais sur quelle distance hein? Plus jeune, ouais, c'était plutôt sur du 10, je pense, enfin. Donc c'était déjà des courses longues. T'as jamais fait du sprint ou du beaucoup plus court? Non, jamais. C'était toujours attiré par le sprint, ouais, plutôt le long. Et donc alors le premier c'était où? C'était Paris aussi. C'était Paris, donc deux fois Paris. Ouais. Et cette fois Valence. Pourquoi Valence? Bah l'idée c'était d'aller chercher plutôt un chrono, donc ouais, Valence. Il est réputé rapide. Voilà, ouais, pour le coup il est bien réputé rapide, donc oui c'était chercher un chrono et puis aller plus ouais. Après, il y a d'autres marathons aussi rapides plus près, enfin Amsterdam, des choses comme ça. Il y avait le côté soleil aussi ou non, c'était vraiment la période qui l'occasion. Ouais, quoi. C'était l'occasion et puis bah on était plusieurs du coup oui. À vouloir le faire, donc c'était l'occasion aussi de le faire en groupe. Ouais. Parce que du coup les deux premiers je les avais fait tout seul. Donc là c'était le premier que je faisais avec le club, donc c'était, il y avait ça aussi. Donc alors qu'est-ce que t'en as pensé? Un, du marathon, puis du coup, bah, le fait de le faire en groupe par rapport à seul. Bah, franchement, ça a énormément changé, notamment sur la prépa. Je ne l'ai pas vécu du tout de la même manière. Sur les deux prépas où j'avais été seule, bah, surtout la dernière, c'est vrai que le dernier mois était hyper long. J'étais fatiguée. C'était dur de se motiver sur les dernières séances. Et là, pour le coup, avec le club, j'ai... clairement pas trop vu la prépa passer presque, enfin je l'ai pas du tout vécu de la même manière. Déjà voilà, quand je m'entraînais au moins deux fois par semaine avec le groupe, puis les deux trois autres fois seul, donc du coup ça rythmait différemment la prépa. Et ouais, en équipe on rigole, enfin voilà, c'est toujours différent, c'est plus motivant et puis la séance passe vraiment différemment, quoi. les séances pistes le jeudi, bah voilà, c'était sympa, on était en équipe, donc ça passait tout de suite mieux. Et puis les séances du samedi avec les allures marathon, bah voilà, c'est pareil. Ça, quand les séances du samedi, j'explique, c'est parce que c'est les séances longues. Ouais, c'est ça. C'est des blocs très longs et il y en a pour 1h30, 2h de séance. C'est vrai que tout seul, c'est un peu long, quoi. C'est ça. Et donc, différence entre marathon de Paris, marathon de Valence, du coup, deux salles, deux ambiances. Ah ouais, clairement, marathon de Paris, il est pas super plat. Non, il y a peut-être, Voilà, à la fin, surtout maintenant qu'il y a vraiment une bonne montée là. Ouais. Parce que le parcours a changé un petit peu. Ouais, ouais. Bah le parcours est très sympa parce que bah voilà, on passe dans Paris, dans tout Paris. Enfin voilà, on fait vraiment Paris d'ouest en ouest, en est. Donc c'est super sympa. Par contre, c'est vrai que le parcours n'est pas plat. On passe à la fin en plus sur les quais, les pavés à la fin. J'ai l'impression que c'était l'enfer. Donc à côté Valence, c'était ultra plat quoi. Enfin, c'était le boulevard. Ouais. Amina. Oui. Alors Amina. Autre salle, autre ambiance, vas-y, je te laisse te présenter toi-même quel marathon tu avais choisi. Ça va être un peu atypique, donc je m'appelle Amina, j'ai 27 ans, donc je cours depuis 2 ans et demi en club, donc avec les deux Julie et toi Cécile. Et j'ai fait pour le coup le marathon des Châteaux du Médoc, voilà. Du Château du Médoc, voilà. Hein, c'est un marathon très festif, donc à la base, les étrangers et français qui participent à ce marathon-là, c'est pour goûter les différents vins faits par les producteurs, les châteaux. Hmm. Et ils viennent également manger des cannelés au ravito. Et toi, t'étais dit, je vais rien manger, je vais rien boire et je vais courir. Exactement. Non, en vérité, c'est parce que Baptiste, mon copain, a de la famille, il vient de Bordeaux et de la région du Médoc, principalement. On a eu des dossards pris en charge par des châteaux. Voilà. D'accord, voilà l'explication. Et en fait, on court sérieusement pour ces châteaux-là, producteurs de vin. Voilà. Alors, sur ce marathon-là, il y a beaucoup de gens qui courent sérieusement. Non. Il y a un petit peu de densité quand même ou pas? Alors, ça a été très compliqué parce qu'il n'y a pas vraiment de densité. Il y a énormément de monde sur la ligne de départ. Attention, on était, je pense, 30 000. Ouais. Oui, comme donc Valence-Paris. Ouais. Paris, maintenant, c'est 50 000. C'est ça. Et par contre, quand tu cours, tu finis tout seul parce que les personnes s'arrêtent en fait pour déguster à chaque ravito. Il y a des ravitos tous les 5 km. 2 km tous les jours. Mais il y en a plein qui finissent pas, c'est pas possible. Si, ils le terminent. Ah bon ? Ils le terminent, si. Je vais pas regarder le temps moyen, je sais pas si tu connais le temps moyen du coup sur ce marathon. Ça doit approcher les 5-6 heures. Voilà, j'allais dire, c'est pas le plus rapide, j'ai pas connu. Alors par contre, le parcours du coup, raconte-nous le parcours, parce que tu passes dans les villes, j'imagine. Exactement, donc ça ressemble à un cross. D'accord. J'ai un trail de 42 km. Donc en plus de courir presque tout seul, parce que les coureurs s'arrêtent au ravito pour déguster, tu dois courir dans les vignes, dans les gravats, il y a beaucoup de virages dans les châteaux. C'est presque du trail en fait. C'est ça. Ouais. Et il y a plein de bosses et énormément de côtes. Voilà. Donc le dénivelé approche environ, je pense, dénivelé positif de 140 mètres, 150 mètres. Ah oui, quand même, ouais. Ouais. En fait, c'est pas le dénivelé qui fait le plus mal, c'est vraiment les relances dans les côtes. Parce que ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça fait que ça en fait pendant 42 km. Après, t'as le temps de profiter du paysage ou pas quand même? La première fois que je l'ai fait, oui, parce que le temps était doux, donc c'était agréable. Et c'est vrai que quand on passe dans les châteaux, c'est magnifique. Les châteaux sont très beaux, les jardins sont magnifiques. Par contre, la deuxième année, lorsque j'ai fait, il faisait à peu près 22 degrés. Puis 25 vers 11h. Donc c'était très très dur de rester concentré et puis on n'apprécie pas vraiment. Donc, ouais, 25 c'est chaud déjà. Ouais, pour courir c'est très chaud quoi. C'était compliqué. Donc j'ai pas trop pris le temps de regarder ce qu'il y avait autour de moi. J'essayais de tenir psychologiquement pour terminer les 42 bornes. Et donc tout à l'heure, quand on en discutait un petit peu par rapport à l'ambiance, c'est ce que je disais par rapport à Julie avec la densité, en fait toi tu t'es retrouvée à courir du coup un peu seule. C'est ça. J'étais seule. À partir du 30e, on est seul. On est vraiment très, très seul. Après, l'avantage sur ce marathon-là, comme c'est pas un marathon qui, on va dire, officiel, labellisé, il y a beaucoup de cyclistes qui peuvent venir vous soutenir. Donc, vous pouvez faire appel à quelqu'un de votre famille ou un ami pour vous suivre. Donc, c'est ce que j'ai fait. Ouais. La personne n'était pas présente pendant tout le long, mais elle est venue me chercher au 30e parce qu'elle savait que... Alors, le mur du 30, pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'est marathon, on dit tout le temps, il se passe quelque chose, on ne sait pas trop quoi exactement. Il y a des recherches qu'on n'a jamais réussi à trop identifier, mais à partir de 30 km, ça devient très dur. Oui, les crampes, les douleurs dans les mollets, ça devient compliqué. Donc, elle est venue me chercher au 30e et on a terminé ensemble jusqu'au 42e. Donc, ça reste un très bon souvenir quand même. Ah oui, très bon souvenir. Et la prépa, du coup, tu l'as vécu comment, toi? Parce que t'étais un peu seule pour le coup. Oui, alors la prépa j'étais seule. Pourquoi ? Parce que c'était en été et en général c'est la pause. Hein. Alors c'est ce que j'allais te demander, c'est que du coup, là, toi il était passé début septembre, c'est ça ? Oui, le 6 septembre. Le 6 septembre, donc t'as fait ta prépa l'été, il fait super chaud déjà. Ouais. Et concrètement, t'es pas partie en vacances ? Si, je suis partie en vacances. Ouais. Mais on va pas se mentir, j'ai un peu sacrifié mes vacances. Voilà. J'ai évité de faire question. La chouille. Ouais. J'ai privilégié mon sommeil, mon alimentation. Après j'ai la chance de travailler en banque, donc la convention collective prévoit énormément de congés, donc j'ai pu poser un mois entier pour me préparer. Ah oui, quand même, ouais. Voilà. Et juin, je crois qu'il restait des personnes du club pour s'entraîner avec moi, et j'ai été accompagnée par certaines personnes sur les sorties longues à vélo, donc c'était sympa. Voilà. Donc après tu dis que tu l'as fait du coup avec ton copain, donc lui pour le coup familialement il comprenait. Oui. Et vous aviez tous les deux vous étiez tous les deux en prépa, donc les vacances, c'est ça. Le côté on sort pas et on fait un peu attention, ça n'a pas trop posé de problème. Exactement. Donc on a l'avantage d'avoir la même passion, la course à pied, et on l'a fait ensemble ce marathon-là. Bon, il a couru de son côté, mais on l'a préparé ensemble. Et nos amis dans le Médoc couraient également le marathon. D'accord, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Parce que pour le coup, est-ce que la famille a compris que les vacances, c'était ça allait être studieux, quoi. Bah, c'est un peu. Le papa de Baptiste a fait presque tous les marathons du Médoc. D'accord. Voilà, Château du Médoc, donc il comprend également. Donc on a couru tous ensemble, on s'est entraînés tous ensemble avec les copains durant le mois d'août. Voilà, on a fait le fractionné, les sorties longues ensemble, on a fait des bike and run, donc c'était vraiment sympa. Alors, donc Julie, je vais te reposer la question tout le long de l'émission. Du coup, on te fait rêver là ? T'as envie d'y aller ou pas ? Je sais pas. Pas encore. Attends, pas encore. Repose-moi la question après. D'accord. À la fin. On a encore deux séquences pour te convaincre. Ok. Alors, on va faire une petite pause musicale avec un titre en rapport avec le sujet. C'est Run, Run, Run de Michelle Lewis. Je ne sais pas si vous connaissez, elle est un petit peu confidentielle comme chanson. Par contre, elle est sortie en 2014 et en fait, elle est dédicacée aux victimes des attentats du marathon de Boston. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Ouais. 2013, 3 morts, 264 blessés après la ligne d'arrivée. Et par la même occasion, du coup, elle était dédicacée à tous les coureurs en préparation pour le marathon de Boston 2014. Allez, Michelle Lewis. From the Colorado Mountains to the California sun, I won't stop until I get there. I will run, run, run. I've been lonely for a long time, always searching for someone, still not sure what I am looking for, so I will run. Plans, 'cause there's no telling what's to come. Just when you think you have a chance, the strings you've tied all come undone. I have loved you since I met you, always knew you were the one. If you need me, I'll come get you. Yes, I will run, run, run. Alors de retour dans Défi Sport, nous sommes toujours avec Julie et Julie, et Amina, donc voilà, Julie au carré, pour parler marathon. Et on va continuer sur le sujet tout de suite avec la Minute Lise. Mais la nouveauté de cette année, c'est toujours la Minute Lise, mais sans Lise. Fadjet, défi sport, l'analyse sans Lise. Alors, comme je l'ai précisé, le titre de Michel Lewis est consacré au marathon de Boston. Je ne sais pas si vous le savez, mais ce marathon a justement contribué à un rôle très important dans ce sport, et particulièrement au niveau féminin. Oui, en effet, je crois que c'est en 1943, il y a une femme qui a participé pour la première fois à un marathon, donc c'était le marathon de Boston. Ils ont tenté de l'éjecter, mais elle a continué. C'était pas en 43, c'était un peu après. Mais bon, on n'est pas loin. On est bon, c'était la bonne histoire. C'était la bonne histoire. Donc Boston, c'est déjà le plus ancien marathon annuel. Donc c'est, évidemment, c'est pas le plus ancien vu qu'il y a Athènes, mais c'est le plus ancien qui a lieu tous les ans. Puisque la première édition remonte à 1897 avec 18 participants. Voilà, hein. Il n'y avait pas de tirage au sort à l'époque. Ça se passait bien. On est loin des 30 000 actuels. On va pas remonter aussi loin, donc, puisque nous, on va partir en 1967. C'est quand même, voilà. Plus précisément, le 19 avril 1967, pour parler de Catherine Switzer, qui a joué un rôle important dans le marathon féminin. Donc, c'est bien cette personne que tu connais, oui. Amina, t'as déjà entendu? Julie et Julie? Si, je l'ai déjà entendu. Je crois que j'ai vu une vidéo il y a pas longtemps. Ils l'ont remis. Non, moi, ça me dit rien. Ça te dit rien. Alors, Catherine Switzer, c'est la première femme à avoir couru officiellement un marathon. Donc, officiellement, le mot est important, parce que je fais une parenthèse pour expliquer cet officiellement. C'est que l'année précédente, en 66, Roberta, dite Bobby Gibb, avait déjà fait une demande d'inscription pour ce même marathon, mais elle avait reçu une réponse négative, lui indiquant que la distance la plus longue autorisée pour les femmes par la AAU, donc c'est Amateur Athletic Union, c'est l'équivalent de la FFA, mais à Boston, c'était le miles et demi, soit environ 2,5 km. C'est-à-dire que les course femmes... Junior. Voilà, le course du Nord. Pour des enfants. Le cross-court. Hein. C'est-à-dire qu'une femme n'est pas capable de courir plus de 2,5 km. En fait, on pensait que ça mettait en danger la santé des femmes, qu'elles n'étaient pas constituées pour... qu'elles n'avaient pas la constitution assez solide pour supporter une telle distance. Alors que, bon, donc, du coup, elles étaient 5 quand même. Hein. Donc, il y a Roberta Gibb, il a couru en 3h21. Wow. Donc du coup, pas mal pas quand mal, même. Pas mal. Et mais du coup, sans dossard. Donc elle avait pas de officiellement elle ne l'a pas couru. Donc je reviens à Catherine Switzer qui elle, et ben du coup, elle a pas demandé d'autorisation, elle s'est inscrite mais avec juste ses initiales K et S. Donc ils savaient pas au niveau de l'organisation que c'était une femme. Et elle a pris un dossard officiellement. Donc elle a pris officiellement le départ, sauf qu'au bout de quelques kilomètres, évidemment, on s'est rendu compte que dans le peloton, il y avait une femme, donc la rumeur a commencé à s'élever, et l'organisateur de la course, qui était un homme très bien, qui est entré dans une colère noire, et a décidé qu'elle n'avait pas le droit de participer, et a décidé de lui arracher son dossard. Donc heureusement, elle n'était pas venue seule, elle était notamment avec son ami, je crois que ce n'était pas son mari à l'époque, et d'autres amis et qui l'ont défendu, en fait, et qui ont éjecté ce brave homme, et elle a pu terminer son marathon en 4h20. Alors elle fait beaucoup mieux les années suivantes, elle a un record, je crois, en dessous de 3h. L'année-là, c'était en 4h20. C'est juste que, donc 1967, ce petit coup de théâtre a eu comme conséquence de faire changer le règlement de la AAU, mais du coup, en interdisant officiellement la participation des femmes. C'est-à-dire que comme ça ne précisait pas avant, vu qu'on s'était pas posé la question, 1967 à la suite, du coup c'est interdit. Et il faudra attendre 1972 et le militantisme de plusieurs, donc Catherine et Bobby, pour que la distance soit officiellement autorisée. Et seulement 1984 pour que l'épreuve fasse son entrée au JO de Los Angeles. C'est tard. Wow. C'est super tard. Donc, clairement, en fait, toutes les trois, vous étiez pas nées. En fait, vous n'avez pas connu l'époque où les femmes n'avaient pas le droit de courir le marathon, quoi. Donc, et pour l'épilogue de cette histoire, c'est que cette année, en 2025, les femmes représentent 43,2% des finishers du marathon de Boston. Donc là, on est quand même sur un petit rattrapage. Ouais, on n'est pas encore aux 50, mais on est quand même pas mal, je pense. C'est beau. Défi sport, l'émission qui donne la parole aux filles qui font du sport. Défi sport, l'émission qui donne la parole aux filles qui font du sport. Alors du coup, est-ce que vous connaissiez ces dates? Ça vous parle? Donc Amina, tu connaissais l'histoire, la date, on y était à peu près. Julie, toi, t'avais jamais entendu parler? Non? Non, je suis nulle en histoire et en date. En fait, tu t'es jamais posé la question, du coup, toi? De savoir, est-ce que les femmes courent? Oui. Si, mais bon, après, c'est vrai que j'avais pas l'histoire en détail, non, j'avoue. D'accord. Donc, sans parler d'engagement politique, un marathon, c'est pas seulement 42 km, c'est aussi un engagement personnel, puisqu'il y a toute une préparation. Ouais. Donc, de la décision... Enfin... La préparation, d'ailleurs, juste pour savoir, vous l'avez faite en combien de temps, toutes les deux? 3 mois. Ouais, 3 mois. 3 mois, oui, c'est ça. C'est, normalement, c'est 12 semaines à peu près, donc ça nous fait les 3 mois. C'est ça. La décision de l'inscription. Entre la décision de l'inscription et le marathon, il s'est passé combien de temps? Un an. Moi aussi. Un an aussi. Ouais. Donc alors, Julie, toi, je pense que c'est Valence, c'est parce que de toute façon, entre le moment de l'ouverture des inscriptions et le marathon, il se passe un an. C'est ça. Bah, en fait, les inscriptions pour la session suivante ouvrent juste après le marathon. Donc en fait, il faut s'inscrire directement. Surtout sur Valence, c'est un des plus gros marathons, donc, voilà, alors, donc ça va très vite. On y reviendra après, mais en fait maintenant c'est même carrément sur tirage au sort. C'est ça. Ouais. Voilà, ça devient un petit peu de la folie, quoi. Ouais. Amina, marathon du Médoc, il y a autant de candidats? Oui, quand même. Oui. C'est presque impossible d'avoir un dossard. D'accord. Donc vous l'aviez par le sponsor? Ouais, par des connaissances, des amis de la famille. Et donc vous l'avez eu combien de temps à l'avance? Un an à l'avance. Un an à l'avance aussi. Ouais. Donc concrètement, alors même si la prépa en elle-même, c'est 3 mois, un an à l'avance, on commence à réserver les logements, d'avion. Voilà, les billets d'avion. Logement. Ouais, d'accord. Donc ça, faut prévoir un an en fait, si on veut, on veut se mettre sur marathon. Julie, tu notes? Je note. Et là, toujours pas? Mais on verra à la fin. On verra à la fin. Surtout pour Valence, qu'il y a tellement d'inscrits qu'il y a très peu de logements disponibles durant cette période. Oui, c'est vrai que les logements, c'est compliqué de se trouver. Ouais. Bah après, le Médoc, ça doit pas être beaucoup mieux dans le sens où c'est si t'as une grande ville juste à côté, mais comme c'est au milieu de la campagne, si tu veux un logement proche, c'est aussi une autre organisation. C'est ça. Il y a beaucoup d'Airbnb, mais faut réserver à l'avance. Ah non, à l'avance. Ouais. C'est pour tout. D'accord. Donc ça c'était pour la décision, la prépa on a dit 12 semaines, combien d'entraînements par semaine? Pour ma part j'étais sur 5 entraînements par semaine. Ouais. La même, j'étais sur 5 entraînements par semaine, oui. Julie, toi, est-ce que les 3 tu les as faites à 5 entraînements par semaine? Les 3 mois? Les 3 prépas. Ah les 3 prépas, non. La première j'étais à 3 entraînements par semaine je pense, et la deuxième, à partir de la deuxième j'étais à 5 par semaine. Et entre 3 et 5 t'as vu une différence? Bah oui. Bah, ouais, alors au niveau du chrono évidemment, mais au niveau organisation, fatigue et puis facilité. Oui, clairement, ça change quand même. Ouais. Et t'estimes que alors 5, donc j'imagine que du coup c'est bon, Amina, pareil. Oui. Est-ce que tu penses que moins tu peux faire un bon marathon quand même? En 3 il est passé? Oui, c'est passé. Après ça dépend de ce qu'on vise aussi. Enfin, je pense que ça s'adapte. Ça un peut peu. Passer ouais, en moins. Ça peut passer aussi en moins, ouais. Du coup, ça représente combien d'heures par semaine? Moi, j'étais entre 7 et 8 heures, je pense. Ok. Amina? Pareil, sur Garmin, j'étais en moyenne entre 7 et 8 heures d'entraînement par semaine. Et en kilomètres? Tu te rappelles, Amina? Grand max 60 km par semaine. D'accord. Julie? Ouais, moi, je suis montée à 95 km par semaine. Ouais, en moyenne, c'était 70-80. Et jusqu'à 95, ouais. Ouais, 95. Donc, du coup, 5 entraînements par semaine, 8 heures. Au niveau emploi du temps, on les case où? Alors, moi, je l'ai casé 3 dans la semaine, le soir, donc soit lundi ou mardi. Mmh. En général, j'avais quand même le mardi, parce que le lundi, j'avais le week-end avec les deux grosses sorties dans l'EHPAD. Donc, en général, je coupais le lundi, je faisais mardi, jeudi. Non, mardi, mercredi, jeudi, pardon, et samedi, dimanche. Et donc, avec le boulot, avec le travail que tu fais, l'articulation se faisait bien quand même? Oui, j'ai des horaires de bureau, donc forcément, il faut s'adapter aussi en fonction de ses contraintes perso, mais oui, c'est de l'organisation, mais ça passe. Amina, pareil? Alors, c'était comme Julie, donc entraînement les mardis, mercredis et jeudis en semaine, donc après le travail à partir de 18h. Donc j'ai eu de la chance de le préparer en été. En été, donc, quand il faisait jour? Il faisait jour, voilà. Donc ça motive. Et les sorties le samedi et les sorties très longues le dimanche. Voilà. Donc en fait, concrètement, pendant 3 mois, il n'y a plus de week-end? Non. Vous n'avez absolument rien en dehors de les week-ends? Vous êtes vraiment crevé à ne plus faire une autre activité ou pas? Non, je plaisante. Non. Moi, pour le coup, j'ai quand même fait des week-ends à côté, mais du coup, il faut s'organiser pour dans le week-end, trouver sa sortie et s'éclipser parfois quand on est avec sa famille ou ses amis pour se dire, je dois partir une heure ou deux et faire ma séance, quoi. Ouais. Amina? Ah bah oui, c'était ça. Hein. Ouais. J'essayais de dormir très tôt le vendredi soir pour me lever très tôt le samedi matin, faire ma séance, avoir mon après-midi de disponible, pouvoir voir mes copines. Après, c'est vrai que le samedi soir, j'allais me coucher tôt pour recommencer le dimanche matin à l'aube. Alors, tu parles de s'éclipser de sa famille, justement, la réaction de l'entourage. C'est-à-dire, alors, Amina, de la chance, c'est-à-dire que le conjoint qui suit, il n'y a pas de problème. Julie, toi, ton conjoint ne fait pas de course à pied. Ou la famille, elle réagit comment quand tu leur dis concrètement, là, je vous laisse et puis pendant 2 heures, je vais courir. Ils comprennent parce que voilà, ils savent que c'est un investissement. Enfin, voilà, ils ont déjà vécu le premier marathon. Les deux premiers marathons. Ouais. Donc non, ils comprennent. Après, c'est Les copines, quand tu dis quand on te propose une soirée, puis que tu dis non, je vais me coucher tôt parce que demain je cours. Ouais, les copines et les amis, des fois ils comprennent pas forcément, ou les collègues, ouais. Ouais. Enfin, quand ils me voyaient partir le soir et que je leur disais là j'ai une séance, ils disaient mais ouais, t'es folle, mais bon, mais voilà. C'est... Après, t'as des réactions positives quand même. Oui, oui, oui. Ouais. Amina, pareil. Il y a des réactions qui vont, t'es complètement folle, et d'autres, waouh, t'as du courage. Donc, ouais, c'est entre les deux. Ouais, mais ils comprennent. Après, ça va, j'ai des amis qui font de la piste, du sprint, donc elles comprennent, et elles sont comme moi, donc voilà, elles se sacrifient beaucoup. Après, c'est vrai qu'il y a d'autres amis qui parfois nous disent, tu pourrais faire un effort ce soir-là. Donc, des amis non sportives ont un peu plus de mal. C'est ça. Voilà. Donc, faut leur expliquer, faut leur dire, ce soir-là, je vais peut-être me coucher un peu plus tard, donc je ferai la séance plus tard dans la journée, même s'il fait chaud. Mais on ne va pas répéter ça tous les soirs, quoi. Et donc, ça, c'est le sommeil que tu dis, je me couche tôt. Au niveau de la nourriture, c'est pareil. Il y a un moment donné où, on va arrêter les raclettes et les... Alors, au mois d'août, il y en a peut-être moins, mais on va arrêter le fromage. Et la famille, pareil, elle comprend quand il y a des anniversaires, des moments un petit peu festifs où il y a des repas de famille et où on va peut-être un petit peu faire doucement sur le gâteau. Oui. Ah oui, ils comprennent. Ouais. Ils comprennent. Toi, il n'y a pas de problème ? Ouais, alors, je m'alimentais beaucoup avec des glucides, des légumes. Je mangeais vraiment de tout. Mais par exemple, Baptiste ne boit absolument pas d'alcool durant le prépa. Donc, parfois, il y a un peu de jugement. Mais quand c'est la famille proche, ils sont contents. Ils se disent, mon fils, il est sportif. Donc, c'est bon, il est motivé. Ça ne pose pas de problème. Et toi, Julie ? C'est vrai que c'était plus... plus gênant sur les vendredis soirs ou les samedis soirs quand on sortait et que je vais prendre un jus de tomate, un jus d'orange, un jus d'ananas. C'est ça, on boit forcément beaucoup moins, voire pas. En tout cas, c'est beaucoup plus modéré. Et après, sur la nutrition, je faisais attention, mais c'était pas non plus très strict. À outrance, quoi. Ouais, ouais. Est-ce que vous aviez conscience de cette préparation, de ce que ça engendrait la préparation avant de la commencer? Alors Amina, toi c'était le premier par exemple. Ouais. Est-ce que avant de la commencer la prépa, tu t'imaginais ça comme ça ? Non, pas du tout. Je m'attendais absolument pas à ce que la prépa soit aussi prenante et épuisante, notamment les week-ends. Donc, j'ai essayé de prendre des compléments alimentaires et de faire plus de siestes. Parce que le contre-coup, il est t'as revu ton rythme de vie carrément. Ah, oui, carrément, hein. Ouais, je m'attendais pas à ça. Tu t'y attendais pas ? Julie ? Ouais, moi en fait justement quand j'ai commencé pour la troisième fois là, je me suis dit waouh, j'avais oublié. J'en avais déjà fait deux et à chaque fois tu te fais surprendre. Ouais, mine de rien, je l'avais déjà fait et pour autant j'avais oublié que c'était aussi prenant et aussi exigeant quoi. Enfin, au début je me suis dit j'ai oublié que c'était comme ça. Donc, alors, Julie, est-ce qu'on te fait rêver, là, toujours ? Toujours pas ? Là, toujours pas, non. Tu réserves ta réponse. Alors, on a parlé de nutrition, et justement, la spécialiste de la nourriture, ici, c'est Julie. Donc, c'est le moment de retrouver la recette de Julie. Fadjet, défi sport, la recette sportive de Julie. Alors, Julie, si on veut se préparer pour un marathon, qu'est-ce qu'on mange ? Alors, on peut toujours se faire plaisir, mais effectivement, il va falloir qu'on change deux, trois trucs ou qu'on retwiste un petit peu des recettes plaisir. Moi, c'est mon truc à moi, c'est de prendre tout ce que j'aime, mais de le retransformer un petit peu pour justement éviter tout ce qui va être sucre raffiné, des choses comme ça, et un peu, on va dire, mettre la barre plus haute au niveau des protéines, des glucides et des lipides, parce que c'est ça, en fait, qui nous permet de créer de l'énergie pour pouvoir subvenir à tous nos besoins lors des entraînements, comme des prépas marathon, par exemple, et autres. Et est-ce que j'ai juste une question, est-ce que vous aimez les cookies ? Ah bah oui. Évidemment. Et est-ce que vous êtes comme moi, que vous aimez la pâte à cookies crue ? Oh oui. Alors j'ai jamais goûté. C'est vrai. T'as jamais goûté ? C'est super bon. C'est super bon, on est d'accord. Mais il y a du beurre, c'est pas cuit, c'est pas... Normalement c'est pas digeste. Du tout. Qu'est-ce que c'est bon ? Et aujourd'hui du coup je vais vous présenter une recette de pâte à cookies crue, entre guillemets. Mais en fait, qui est complètement revisité Et pour faire cela, il va vous falloir 400 grammes de pois chiches. Donc oui, du coup, la base se fait avec des pois chiches, donc il ne faut pas en avoir peur. Avec tous les autres ingrédients, il n'y a pas du tout le goût de pois chiches. Hein. Je ne fais pas une recette de houmous, c'est pas le but. Donc 400 g de pois chiches égouttés que vous allez venir mixer avec 30 g de farine d'avoine, 80 g de beurre de cacahuète, une cuillère à café de sirop d'érable. Évidemment, on rajoute quand même les pépites de chocolat, 50 g de pépites de chocolat. Faut pas tout enlever non plus. Arôme de vanille, une pincée de sel et en fait vous avez vraiment une pâte à cookies. Je l'ai refait encore ce week-end et c'est incroyable comment on dirait vraiment la pâte à cookies crue. Et au niveau du goût, pareil, on s'y méprend vachement parce que c'est vraiment comme un trompe-l'œil quoi. On a vraiment l'impression de manger le saladier qui n'est pas cuit, on n'a pas juste fait les cookies. Et en fait, ça va vous permettre d'avoir une recette qui va être très très riche en protéines et on a zéro sucre raffiné. Donc pour, par exemple, l'équivalent d'un cookie, on est déjà sur 10 grammes de protéines juste pour une portion. Ah oui. Ouais, donc c'est vraiment un encas, en fait. Par exemple, après l'entraînement ou quoi, vous pouvez prendre ça. Et ça va vraiment vous donner vos apports journaliers. Ça peut aider en plus. Et on a l'impression de se faire plaisir. Donc, On se fait plaisir. On se fait plaisir, oui, c'est vrai. Merci, Julie. Merci, Julie. Merci. Défi Sport, l'émission qui donne la parole aux filles qui font du sport. Alors même si la question de l'autorisation des femmes, on l'a vu tout à l'heure, est réglée actuellement, la dernière question que j'ai envie de vous poser, c'est actuellement le nouvel obstacle, c'est l'inscription aux courses, notamment sur les marathons, avec un engouement, on va pas s'en plaindre, pour le running qui est au-delà, je pense, de la France, qui est vraiment mondiale. Et donc, du coup, on se retrouve sur des courses. Alors Julie, je vais te redemander ton avis aussi, parce qu'il n'y a pas que les marathons qui sont concernés. Toutes les courses un petit peu sympas. Soit il faut s'inscrire 6 mois à l'avance, voire un an, soit c'est carrément une loterie, c'est-à-dire qu'on s'inscrit et on gagne éventuellement le droit de s'inscrire. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Bah là, pour le triathlon Gérard Mé, c'était pas possible, moi. J'ai pas... Non. Ouais, Gérard Mé, ça en fait j'avais longtemps. Payé et on m'a renvoyé un mail le lendemain en disant non. Ah bon ? Oui. Carrément. Oui, on m'a dit bah non, finalement il n'y a pas de place et puis il y en a si c'est passé, quoi. Donc, sympa. Ouais, alors, c'est pire que le tirage au sort là. C'est carrément tu mets la carte bleue et on te dit paye-moi accepté. Le lendemain, non, finalement en fait, on a vendu trop de places quoi. C'est... Et alors donc vous, toutes les quatre, c'est pas, vous en êtes pas, enfin vous n'êtes pas mis au running par effet de mode. Ça remonte un petit peu plus longtemps. Donc en tant que sportive entre guillemets, ça vous évoque quoi ? C'est du coup ça casse un peu la mode ou vous êtes content quand même qu'il y ait, des du monde qui s'y mette ou Vas-y. Je pense que c'est positif parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde qui court. Mais moi, c'est vrai que j'ai vu la différence là sur mes trois inscriptions. La première inscription, je l'ai fait, je pense, 3 mois avant. Il y avait encore des places. Un an après, c'était, je pense, 6 mois avant. Mais là, c'était déjà plein. Et j'ai vraiment vu la différence depuis le marathon pour tous des JO. Et là, j'ai l'impression que depuis ce moment-là, c'est vraiment compliqué de prendre un dossard. Donc, c'est vrai que c'est contraignant parce qu'il faut. Limite prévoir sa saison un an à l'avance, et des fois c'est compliqué de se dire je vais faire cette course. Et c'est niveau organisation, c'est quand même compliqué quoi. Et la question qui fâche, c'est que du coup il y a une au niveau performance, on est sur, comme on ouvre la palette plus large, il y a beaucoup plus de monde, on va avoir des temps moyens sur alors marathon mais sur 10 et sur toute distance qui vont descendre. Est-ce que ça vous... Pas, alors, je vais pas dire que ça vous met en colère, mais vous, qui allez rechercher une perf, vous en pensez quoi, du coup, de tous ces gens qui s'inscrivent pour finir, entre guillemets ? C'est la question qui dérange, hein. J'attends la vie. Moi, je trouve que c'est positif, parce que ça veut dire que de plus en plus de personnes se mettent au sport, et c'est vrai que cet engouement pour la course à pied est né depuis les JO, et ça n'existait pas avant. Après, si on doit faire, on doit passer par la loterie, bah tant pis, c'est comme ça. Hein. Faut qu'il y ait de la place pour tout le monde et au moins il n'y a pas de préférence. Donc toi t'es résignée. Oui. Voilà. Alors je suis un petit peu dégoûtée parce que je me dis que j'ai pas encore fait de marathon labellisé et j'aurais pu le faire il y a un an ou il y a deux ans, mais j'ai préféré faire celui du Midoc. Donc je me dis bon c'est trop tard. Maintenant Valence, je vais devoir passer par la loterie, j'ai pas le choix. Mais je trouve ça beau. Ça veut dire que de plus en plus de personnes pratiquent la course à pied et puis c'est bon pour la santé, donc faut y aller. D'accord. Toi c'est positif, Julie. Oui, c'est positif aussi, comme je le disais, mais après, c'est vrai que c'est... Frustrant. C'est un peu frustrant aussi, ouais. Quand on... surtout sur des loteries, je trouve ça... Oui, c'est pas injuste, mais c'est complètement... Ouais. Et toi, Julie, on t'a rendu des sous, alors toi, c'est... la colère est passée ? Ouais, non, mais après, il y a eu plein d'autres courses. Après, je me vante... Enfin, après, moi, je fais pas des temps exceptionnels, moi, ma performance. Non, oui, mais, voilà. Mais tu pratiques mais en fait... depuis un certain temps, quoi, oui, c'est ça oui, que oui. je veux dire. Mais en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que surtout, c'est dans mes... Parce que, bon, vous, dans les sas, il y a des personnes, on va dire qu'il y a des sas où 35, 40, 45, ça va. Il y a pas grand monde qui fait ces temps-là. Hmm moi, dans mon sas à moi, on est 50 000, et puis alors, on voit de tout, et on se marche dessus, et c'est la catastrophe, parce qu'en fait, justement, c'est pas... En fait... Donc toi, c'est pas positif, t'as pas plus de monde, justement, pour te tirer, enfin, tu es pas plus... tu te sens pas plus motivé par tous les gens qui sont autour de toi ? Si, c'est motivant d'avoir... Si, si, mais c'est motivant d'avoir des gens, mais qu'il y en ait, en fait, je pense, qui réduisent les inscriptions à 8 000 et qui, là, ils ouvrent des inscriptions jusqu'à 15 000. On le voit bien sûr, Nancy, il y avait... ils ont rouvert, en fait, des places au fur et à mesure. Et en fait, à la fin, c'est peut-être un peu trop c'est par trop. Rapport rien qu'à la taille des rues, etc. Et on, ouais, ça, c'est limite dangereux, je trouve, des fois. Donc, même sans prétention chronométrique, en fait, c'est plus plaisant. Ouais, ah oui, bah non, bah ouais. Moi, enfin, oui, si c'est un avis personnel. Oui, c'est oui non, que... c'est un avis personnel que je demande. Hein, oui, c'est... voilà, c'est super hein, que tout le monde se mette au sport. Je suis la première à dire il faut bouger pour être en bonne santé. Voilà, je le vois tous les jours à mon travail. Si les gens couraient plus, on ferait moins de ce que je fais toute la journée. Mais après, c'est vrai que là, c'est des gens, on va dire, avec des niveaux. Il y en a, ils n'ont jamais couru de leur vie. Ils peuvent prendre un dossard pour un marathon. Et là, je trouve ça trop dangereux, en fait. Oui. Donc, on va dire ouais, l'accès, y a pas de réglementation. À ce type de course, c'est ouais, ça, c'est dangereux. Enfin, voilà. Mais c'est vrai que faire un marathon sans préparation, c'est dangereux. Puis il n'y a plus vraiment besoin du certificat médical maintenant. C'est un parcours sur internet. On regarde trois vidéos et ça y est, on peut s'inscrire. Enfin, bon, voilà. Après, c'est un débat, mais c'est vrai que ouais. Ouais, c'est plus, c'est plus devenu un défi en fait. C'est ça, c'est le côté défi, case à cocher quoi. Enfin, c'est ça. Ouais. D'accord. Oui, voilà, comme si c'était le truc à faire là. Je suis d'accord. Donc, soit réduire le nombre de participants ou respecter le nombre de participants qui était prévu à la base, ou alors s'organiser un petit peu mieux, faire plus de départs différés. Parce que c'est vrai que quand on n'est pas hyper rapide, alors moi je suis dans des sas un peu comme toi, pas si rapide que ça, on se retrouve à la fin à se marcher dessus, ça peut arriver. Sur la Saint-Nicolas, c'est ce qui était arrivé. D'accord. Bon, on se retrouvera dans deux ans s'ils ont trouvé une solution. On en reparlera. Défi sport sur Fadjet. Eh bien, ça sera tout pour aujourd'hui. Merci Julie, merci Amina, merci Julie. Voilà. Et on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de Défi sport, l'émission qui donne la parole aux filles qui font du sport.